connaître. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Planet Rap Ice MC. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue dans Planet Rap. Bienvenue à Ice MC. Yeah. Comment on est ça là, va on est ce là. Soir à 3-4 jours de la sortie, vendredi, dans les bacs. J-3 là, on pète J-3, la forme. J-3, c'est vrai, j'ai l'impression que ça va bien, que t'es content ça du taf. Vite, hein. Ouais. C'est vrai que le taf a été long pour la sortie de cet album. Ouais, très long. Mais plus c'est long, plus c'est bon, selon le dicton. Voilà. Donc à vous de déguster aussi L'Or des Rois qui sort vendredi. Un petit mot d'ailleurs sur le nom L'Or des Rois, il s'est imposé comment L'Or des Rois, le nom de cet album. L'Or des Rois, c'est un titre que j'ai choisi en contradiction avec ma réalité. Ça veut dire qu'en gros, on a toujours voulu être des rois, voir la gloire, porter de l'or, alors que c'est interdit là où on vient. Voilà, nous, on est malgré ce qu'on fait avec le champagne et les filles et les chaînes en or, on vient quand même de familles musulmanes, on a des parents qui sont très modestes. On vient de familles très modestes. Donc il y a une culture, oui. Il y a une culture derrière. Il y a une culture derrière qui est en contradiction avec qui est en ça. Contradiction aujourd'hui avec ça. Voilà, peut-être parce qu'on est né dans des pays musulmans et qu'aujourd'hui on est en Occident. Donc voilà. Parce que toi, t'es né, faut rappeler où t'es né aussi. Moi, je suis né en Algérie. T'es né en Algérie. Hassim Saoud, pour ceux qui connaissent. C'est le centre de l'Algérie. Ouais. C'est dans le désert, mais c'est le désert, centre ouais. de l'Algérie. Si tu tires Hassim Saoud avec une grue, ben, tu lèves toute l'Algérie. Voilà, c'est vraiment le centre de l'Algérie, quoi. Voilà. Et après, j'ai ma famille à Alger, vieux Koba. Voilà, grosse dédicace à tous les Belouis dead. Donc t'es arrivé à quel âge, toi, ici? Je suis arrivé à 5 ans. Ouais, 5 ans en 5 France. Ans, donc très tu te souviens vraiment de ton arrivée ou c'est? J'ai certains flashbacks, mais me souvenir exactement, non, c'est trop dur. Ouais, trop dur, ouais. Forcément ouais. À 5 ans, et puis ouais. Voilà, ça va très vite. Je me rappelle que quand je suis arrivé en France, je parlais que arabe, et du coup, j'ai redoublé le CP. Et après, je me suis vite rattrapé sur la langue de Poquelin. Ouais, mais en même temps, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, puisque tu l'as maîtrisé aussi assez rapidement, puisque 5 ans, t'arrives ici. Ouais, c'est tu vrai. Parles pas un mot de français, et à c'est 10 vrai. Ans, tu commences à écrire des J'avais textes. Un petit truc pour le français. J'ai toujours un petit délire, un petit don, je sais pas, tu vois, pour la littérature, la langue française et tout, je kiffe, tu vois. Et donc, pour finir sur ce titre qui est important, donc comme tu nous l'expliques, parce qu'il y a toute une symbolique derrière, L'Or des Rois, donc voilà, c'est en contradiction avec tout ça, avec la culture. Et il y a un côté quand même, aller le chercher, aller le récupérer. Ah ouais, aller le récupérer, aller le chercher. Comme ça, on va tous aller décapiter la tête du roi. Bah, c'est ça, un peu aussi l'image qu'on peut voir sur la pochette. Voilà. J'ai peut-être vu la pochette, le visuel de cet album. C'est vraiment l'esprit. Le roi va mal. C'est l'esprit amener le roi, que je le décapite, je contrôle ta zone, capot décapi. Tranquille. Ice MC avec nous entre 20h et 21h. Vos réactions avec le hashtag Ice MC sur Skyrock. On débute avec Millionnaire. On commence avec Millionnaire. Allez, coup d'envoi, c'est parti, c'est Ice MC. Elle est plutôt mignonnette, mignonnette, mignonnette. Elle a plus d'une marionnette, marionnette, marionnette. Elle est plutôt visionnaire, visionnaire, visionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Oh, bitch, I don't care, bitch, I don't care. Lâche-moi ton père, c'est par la taille à ton père. Bitch, I don't care, bitch, I don't care. Lâche-moi ton père, c'est par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, une dot à un millionnette. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bico malhonnêtes, les suppléments mayonnaise. Le veuf clico la monnaie, elle fait monter le baromètre. Souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille s'arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh oh là, moi c'est Ice, le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître, mais tu fais semblant. Argent, gloire et beauté, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel mythe rugoté. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épauté. Poupée, bitch I don't care. Bitch I don't care. Lâche-moi ton père, c'est par la taille à ton père. Bitch I don't care. Bitch I don't care. Lâche-moi ton père, c'est par la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Comme un homme, elle fait l'amour comme une femme. Une fois qu'elle a vidé ton magnum, elle prend la vie comme une fable. Champagne en fontaine pour madame, reconnue dans tous les clubs et les grands hôtels de Marseille à Paname. Tu cèdes à ses petits caprices, ses talents de petite actrice. Elle te laisse une cicatrice ou te ramène en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette qu'elle emmène chez Marionneau, qu'elle mène à la baïonnette. Tu sais plus sur quel pied danser depuis que t'es devenu son bolos. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamos. Couper le genre femme à redouter. Tu rêves de faire un blaze à travers mon épopée. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche-moi ton père, sois la taille à ton père. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche-moi ton père, sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Bitch I don't care, bitch I don't care. Lâche-moi lâche-moi ton père, sois la taille à ton père. Bitch, I don't care, bitch, I don't care. Lâche-moi ton père, sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Millionnaire à l'instant sur Skyrock avec Aislemsi. Pendant ce temps-là, il décroche. Ouais, hein, décroche. Ouais, j'étais au téléphone là. Si vous mettez l'émission sur le skyrock.fm avec l'application Skyrock, vous voyez qu'on ne mitonne pas. Il y a un téléphone en fait où on peut te joindre toute la semaine qui est le 06 71 74 84 15. Un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Il n'arrête pas de sonner, ça n'arrête pas. Des messages envoyés. C'est lourd, je kiffe. Du soutien à Aislemsi. Du soutien à fond, les locaux, les locaux. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace à passer. D'un frère que j'ai vu en bas, voilà, qui m'a parlé. Voilà, c'est pour Shorfi de Hez Gang. Voilà, et aussi une dédicace à Redouane du Méridien, le réceptionniste de Oran. Voilà, grosse dédicace à lui qui s'est plié en quatre pour nous accueillir au mieux et qui est un vrai gars. Et franchement, voilà. T'étais quand grosse la semaine dédicace dernière à toi, Redouane. J'espère que tu m'entends, enfoiré. Hein. C'était la semaine dernière ou t'étais en Algérie aussi ou ouais, juste avant de venir. Jusqu'à ce week-end, j'étais en Algérie. C'est quoi, en mode repos un peu En fait, j'ai chanté au théâtre de la Verdure. Voilà, dans un festival qui s'appelle Retour aux Sources, qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Voilà, c'est un événement qui a lieu depuis plus de 20 ans en Algérie. C'est un truc assez symbolique dans mon pays. Donc j'étais vraiment très fier. C'était la première fois que je chantais en Algérie. Voilà, sachant que juste avant j'avais fait Saïdia au Maroc. Donc l'Oprado, le Marine Club. Voilà, dédicace à Sidi, dédicace à Milou, dédicace à Ayad. Voilà, l'équipe de DJ Case, etc. Et voilà aussi au Sofitel de Marrakech. Donc grosse dédicace. Voilà, c'était le feu partout où je suis allé. J'étais avec mes Bico, mes Blaco, mes Blanco. Et c'est vrai que ouais, cette date en Algérie, elle m'a fait le plus grand bien. T'avais déjà joué en Algérie, non? J'avais pas chanté. J'y allais comme ça, mais ouais, j'avais jamais chanté. Et alors, il y a une ambiance. Il y a eu un gros engouement. Quelque chose de particulier ou pas? On a rempli la salle. C'était lourd. Ouais, quelque chose de. C'est chez moi, tu vois. C'est mon pays. Donc j'ai chanté là-bas. J'avais des frissons sur scène. Tu vois, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Partout où je chante, c'est mortel. Hein. Mais quand je chante en Algérie, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en plus qui me. C'est un truc de ouf. Bon, il y a une tournée aussi en France, hein, je tiens à rassurer. Et tu mouilles autant le maillot. Ah oui, je mouille toujours autant le maillot, hein, vous inquiétez pas. Avec notamment, je crois, une date à la Cigale qui est prévue, hein, c'est ça? Voilà, le 29 janvier 2016. Je vous donne tous rendez-vous à la Cigale. Et pour toutes les autres dates, vous pouvez aller sur la billetterie Fnac. Et voilà, vous pouvez les procurer. Et oubliez pas qu'il y a l'Ordre des Rois qui est toujours en précommande jusqu'à vendredi. Avec le coffret, il y a un polo dedans. Triangle d'or. J'ai reçu mon coffret aujourd'hui. Aïe. Magnifique, magnifique polo. En effet, triangle d'or. Très bien taillé pour les vrais locaux, les vrais locaux. Et il me va à merveille. Aïe. Donc triangle d'or, c'est quoi d'ailleurs? Parle-nous un petit peu. Donc triangle d'or. Alors le triangle c'est d'or. Label. Voilà. Alors le triangle d'or, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Alors c'est le label. Mmh. Voilà le label que j'ai monté. C'est à la base aussi comment on appelle le 17. Le quartier. Voilà, ouais. Entre Porte Saint-Ouen, La Fourche, Porte de Clichy. Mmh. Voilà, ça forme un triangle. Tu vois, que ce soit un triangle isocèle ou pas, c'est un triangle. C'est à un trois triangle, côtés. Voilà. Donc, c'est un triangle. Un triangle. Et aussi à la base, le triangle d'or, c'est un quartier du 8e arrondissement. Tu vois. C'est le quartier bien friqué, oui. C'est le quartier où ça brasse beaucoup. Ouais. Voilà, bah nous, on n'est pas riches comme eux. On aimerait bien que le quartier devienne riche comme ça. Tu vois, et que les jeunes s'en sortent tous. Donc c'est aussi triangle d'or. Bon, il y a peut-être une richesse humaine. Il y a une richesse humaine. Mmh. Et voilà, et comme je le dis aussi dans le morceau L'Or des Rois, qui est l'intro de mon album, c'est le triangle d'or. Le carrefour des drogues dures du monde entier. C'est là. Il y a aussi le triangle d'or. Voilà. Bah, c'est aussi malheureusement ce qui peut se passer aussi dans certains quartiers. Voilà, c'est aussi une vie, exactement, une autre vie. Voilà, qui permet aussi parfois des quartiers de garder la tête hors de l'eau. Ouais. Même si on peut évidemment regretter plein de choses et n'en faire que le constat. Voilà. L'Or des Rois, en tout cas, c'est à découvrir. Et puis Triangle d'Or. Non, je voulais aussi revenir sur cette partie artistique, le label que tu as monté. C'est un label où tu es signé. Voilà. Mais c'est quoi l'objectif du label? C'est aussi signer beaucoup de personnes. C'est pas forcément beaucoup de personnes, mais signer de vrais talents. Voilà, de vrais talents. Ça peut devenir quelque chose d'énorme. Une oreille déjà. C'est même pas par rapport au nom. C'est même par rapport au principe, quoi. Tu vois. Mon label, il se serait appelé Big LMC Records. Ça aurait été pareil, quoi. J'aurais bien choisi. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Big LMC Records, ouais. Mais non, il s'appelle Triangle d'Or. Voilà. Et premier artiste signé, c'est toi aussi, ouais. Avec le projet qui sort donc vendredi. On va écouter un morceau maintenant. Qu'est-ce qu'on met? Les mauvais garçons dansent. Qu'est-ce que j'avais? J'avais Au cœur de Lutèce. Ah, il y a du lourd aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, je crois qu'on va commencer par Au cœur de Lutèce, parce que beaucoup de gens m'ont demandé. Et d'ailleurs, il y a un saut qui est avec moi là. Un saut qui est avec moi. Qui était là la semaine dernière, qui est là, j'ai l'impression, chaque semaine maintenant, d'un saut. Non, c'est mon gars, un saut, c'est. Ça va? Ça va, on supporte les meilleurs, tu vois ce que je veux dire? Aïe. Ça va bien, d'un saut? Ouais, ça va, tranquille. Un petit mot sur Ice LMC alors. Ice LMC, franchement, c'est un mec que je respecte, tu vois. C'est un mec qui s'est monté tout seul, tu vois ce que je veux dire. Il s'est lancé comme As, il a fait des freestyles, on s'est déjà croisé avec Jarod, l'Institut, tu vois, on se connaît là-bas. On se connaît depuis longtemps. On était même dans des apparts, on fumait ensemble, on faisait des freestyles. Freestyle comme des ouf. J'étais là, j'avais pas de texte, j'étais choqué, j'étais comme As, je dis ouais, je te connais, il a 100 textes ou quoi. Avec Belize, il faisait des refrains, Docteur Belize, big up à lui. Et voilà, tout ce qui touche Paris. Oui, ça montre en tout cas, voilà. Évidemment, il y a la section. Il y a la section derrière, en fait, voilà. Qui a poussé tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un vrai renouveau de rappeurs parisiens. Et... Voilà, il y a des gens à Paris, ils sont dans notre quartier, ils sont aussi autour, qui n'ont pas rigolé avec le rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est des personnes, ils veulent se faire entendre, ils ne sont pas là pour jouer. Ouais, c'est vraiment la connexion 7-5. Voilà, c'est vraiment 100% 7-5. Je crois qu'il y a des gens de partout, Marseille, Lyon, tout le monde représente, là, on va dire, à Paris. C'est nous les kings dans le rap, tu vois ce que je veux dire? Ah. SLMC, on s'est toujours supporté. Il y a Metro Gibbs, il y a que les meilleurs chez nous. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce qu'on peut ressentir, ce qui n'existait peut-être pas à une époque. Alors, même si évidemment, il y a forcément toujours un peu d'ego dans ce milieu, c'est vrai que j'ai l'impression que ça, tu vois, tu viens, donc tu soutiens SLMC. Ouais, je soutiens. Ouais, je voilà, il y a pas de ça, tu vois. Voilà. C'est bien sûr, après, il faut qu'il y ait une compétition dans le rap et tout. C'est comme dans tout, dans le football, ce que tu veux. Mais après, faut pas non plus avoir un orgueil mal placé, une fierté mal placée. Voilà. Tu vois, on est là, on est ensemble, tu vois. Si on habite à Paris, on se croise, on est à 5 minutes, tu vois. Je passe tout le temps vers la Fourche, chez les vers là-bas. Des fois, on me dit, il était là-bas. Voilà, dans le 9e, mais moi, j'y vais souvent, donc. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a cette rencontre Au cœur de Lutèce avec Maître Gims. Voilà, qui est un gros morceau qu'on a fait. Ben, t'étais là, un saut. On a envoyé ça en une nuit. Une nuit de folie, mon frère. Une nuit de fou. Avec les Twins qui dansaient sur le son. Ah, ils étaient là aussi? Ils sont tout le temps là, les Twins. Ouais, mais c'était choqué, ils ont vu. Ah, je leur ai. Ils connaissaient pas, je leur ai présenté, je leur ai fait écouter 2-3 sons, mais ils étaient choqués. Ouais. Les mecs, ils ont parlé anglais direct. Oh shit, c'est quoi le délire? En plus, son nom, il est bizarre. Ice LMC. Ils étaient choqués. Ils disent, il descend en Amérique, c'est un carnage. Et, choqué. Et un petit mot sur le choix de Maître Gims. Donc, je suppose que t'es content qu'il soit aussi sur ton projet. Parce que... moi, je lui ai demandé de venir sur l'album. Parce que voilà, c'est aussi un honneur pour moi d'accueillir un grand artiste comme ça sur mon album. Et quelqu'un qui ouvre des portes, c'est vrai qu'on oublie de le rappeler. Et quelqu'un qui est aussi bon en rap qu'en chant. Ça, c'est très rare de trouver ça. Ça veut dire c'est vrai, tu vois. J'ai déjà vu des gens qui disent ouais, mais aujourd'hui il chante. Bah vas-y, va le tester en rap, tu vas voir ce qu'il va te faire, mon frère. Ah bah là, on peut le voir en même temps. Ils ont un peu le même parcours, tu vois. C'est déjà galéré, tu vois. Ouais. Mais Gims, moi je connais Gims, il a galéré de fou. Il a fait des. Tu vois ce que je veux dire, pour arriver là, il a galéré de ouf et il sait que voilà, faut faire des passes aux gens, tu vois, aux gens qui méritent, qui ont galéré. Voilà. Il a fait une passe à Aïe, c'est pas pour rien. Donc c'est Au cœur de Lutèce. Au cœur de Paname. Pour ceux qui savent pas, voilà, Lutèce, c'était Lutèce. Paname. À l'époque des Gaulois, Allez, on écoute maintenant ce morceau, découvrez ce titre, réagissez avec le hashtag IceLMC sur ce qu'il y a. Je réponds là. Exclu de Planète Rap Au cœur de Lutèce. Mais à quel prix? Voilà, no. Au cœur de Lutèce, vous tourez de pions et de valets. Et je veux savoir faire ce qu'il fallait. Je suis un roi seul dans son palais. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Populaire, j'ai l'inspiration crépusculaire. Lunettes quartier sur le nez, j'ai grandi sur une île sans mer. Entends-tu battre le cœur de Lutèce? Jusque dans nos textes, macadam brûle en grande vitesse. Je suis dans le tiex. Un roi solo dans son palais, cet or en vaut-il la peine? J'espère avoir fait ce qu'il fallait. Tous les valets veulent marraine. La calache humaine doit rafaler, bien entouré comme le parrain. T'es scaphandrier, cherche le triangle d'or dans les fonds marins. Demande à mon gawarano ce que vaut la célébrité. La couronne me rend parano, je rappe en état d'ébriété. À vivre au rythme du piano, je vais trop vite pour m'arrêter. M'assois sur 1 million d'euros pour la seule qui m'a allaité. De Lutèce, au cœur de Lutèce, vous entourez de pions et de valets. Et je veux savoir faire ce qu'il fallait. Le 4 septembre, Ice LMC, la calache humaine, go! Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Au cœur de Lutèce, au cœur du ciel, c'est Pinko. Toujours au top, mec, et toi? top, Ice et Gims dans le fond du club. Ghetto chic, chico, ta meuf trouve un charme à mon côté thug. Vois cette coupe, bico, tu reviens de taille à Dawaï. Moi je tourne toute la night avec un flash sur Paname, c'est la Dolce Vita dans mon bando. Je n'ai toujours pas trouvé le sommeil, tu levais au coucher du soleil. Reste sereine, Zina, je te raccompagne en Merco. T'es la bienvenue dans le cœur du siete cinco. Demande à mon gawarano ce que vaut la célébrité. La couronne me rend parano, je rappe en état d'ébriété. À vivre au rythme du piano, je vais trop vite pour m'arrêter. M'assois sur un million d'euros pour la seule qui m'a allaité. Au cœur de Lutèce, je me vois entouré de pions et de valets. Et je vais savoir faire ce qu'il fallait. Je suis un roi seul dans son palais. C'est Ice MC avec Maître Gims. C'est sur le projet d'Ice MC. Ce sera vendredi dans les bacs au cœur de Lutèce à l'instant. Yeah, yeah, yeah. Grosse dédicace à tous ceux qui m'appellent là, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Dylan du Pas-de-Calais là, bien vu mon gars, voilà. Le téléphone 06 71 74 84 15, tu veux prendre un appel tout de suite, vas-y. Hein. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Allez, vas-y, il y a un petit FaceTime, j'ai vu, il y a un petit FaceTime. Oh, mini shit. Ah ouais, dédicace à mini shit. Ah bah. Voilà, qui est une rappeuse de fou. C'est vrai. Voilà, qui vient de Clichy, du 9-2. Et là, je viens de voir qu'elle m'a envoyé un message. Voilà, grosse dédicace à elle, soutien à elle. Tous ceux qui connaissent Mini Shit, voilà, allez la soutenir. Son Facebook, son Insta. Et voilà, ben c'est Mini, future Mini, rappeuse de dingue. Mini. Mini Shit. Mini Shit. M-I-N-I. S-H-I-T. S-H-I-T, Mini Shit. Voilà. Mini Shit. Grosse dédicace à elle. Allez cliquer, vous découvrirez qui est Mini Shit. Tu veux prendre un appel maintenant ou après? Ouais. Alors, il y en a qui m'appellent en FaceTime, mais ça marche pas. Prends un petit FaceTime. Bah, j'aimerais bien. FaceTime pour voir un petit peu la tête des auditeurs qui appellent avec SMC. Ça marche pas, c'est bizarre. Bon, on va régler ça. Tu sais quoi, dans un instant, on va faire un petit. Vous m'avez donné un iPhone 4, Skyrock, c'est quoi les bails? Y'a plus de budget ou quoi? Attends, attends, je prends un appel là. Allô? Allô? Ouais, ça va, Loka? Ça va et toi? Ça va et toi? Waouh! Aïe, aïe, aïe! Ça va et toi? Aïe! Ouais, faut bien le coller pour qu'on entende bien. Ah, d'accord. On va bientôt régler le problème, mais. Tu m'entends? Je vous écoute à la radio et d'à côté, je vous écoute au téléphone. Eh ben, bienvenue, ça s'appelle comment? Bienvenue, comment tu t'appelles, Loka? Océane. Océane, si. Eh ben, Océane, qu'est-ce que tu veux dire à Ice? On t'écoute. Franchement, t'as un rappeur de ouf. Merci. Je t'écoute toutes les journées, je t'écoute. Tous les jours, tu m'écoutes? Franchement, ouais. Ah, tu fais plaisir. Et donc, merci beaucoup. Tu as bien... Océane, tu as bien noté quand sort l'album? Vendredi. C'est un petit moment d'hésitation. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Vendredi, 4 septembre. Oui, c'est vendredi 4 septembre. Tu t'es pas trompé, dans 3 jours. Bravo, Océane. Bah, merci beaucoup. Et pour ben, soutien, Océane. On te fait un petit bisou, Océane. Je te fais des gros bisous, Maloka. Bisous. Merci. Ciao, bisous. Un petit coucou d'Océane à l'instant avec le numéro de téléphone. Big up à Océane. Aïs continuera à décrocher. On va faire un petit quiz rentrée puisque c'était la rentrée aujourd'hui. Ouais. 12 millions d'élèves, hein, c'est ça, je crois, sont rentrés. 12 millions d'élèves aujourd'hui. Sont rentrés. C'est toi, bien. Force à vous. Courage à vous. C'est ce que tu disais hier. Bon, toi, t'as pas été très très loin. Tu le regretterais un petit peu. Ouais. Bon, après, je suis né dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'écoles. Donc. Donc, tu vois, big up à tous ceux qui ont la chance, tu vois, le savoir est une arme dont on ne se sert pas assez. Mais tu as été au moins jusqu'en troisième, donc petit quiz rentrée rapide. Toi, ton plus beau souvenir rentrée, c'était quoi? Tu te souviens? Mon plus beau souvenir rentrée, je crois que c'était la sixième. Sixième, parce que je me sentais chaud, tu vois. Je me suis dit, je suis un grand maintenant, je suis en sixième et tout. Ouais, c'est ça le truc. En fait, tu sais pas que quand t'arrives, les troisièmes et tout, ils te regardent comme un tout petit peu. Regardez les victimes qu'on va se faire. Tu te sens frais et tout, mais tu vois. Bon, le pire souvenir de la rentrée. Le pire souvenir de la rentrée, un jour j'ai failli me faire virer le jour de la rentrée. Ah, c'est... Je m'étais bagarré avec un camarade de classe. Ah oui, c'est le premier jour. Et j'ai failli me faire virer le premier jour. T'as fait fort. Et le lendemain, ma daronne, elle était là avec le proviseur. C'était vraiment un truc à pas revivre. Sympa pour maman Aïs, elle a dû apprécier. Ouais. Moi, aujourd'hui, elle est fière de moi. La matière que t'aimais le moins? La matière que j'aimais le moins, j'ai toujours eu du mal avec la science physique et les mathématiques. Moi, je suis très littéraire. Donc celle que t'aimais le plus, c'était quoi? Moi, j'aimais le français, anglais, espagnol. Ça, c'est lourd. Mais après, le reste, si je me faisais un peu chier. Ice plutôt au fond ou devant? Au fond de la classe. Plus au fond, mais ça veut pas dire que je fais des dingueries, tu vois. Non, mais proche du radiateur, c'est... Pour écrire mes textes. Voilà, ouais, donc plus vers le fond. Ouais. T'aimais draguer au bahut ou tu te faisais draguer au bahut? Ah, je draguais, hein. Je me prenais des râteaux aussi. C'est vrai, il y a eu râteaux. Il y a eu les ice râteaux. Ah oui, il y en a eu. Il y a eu des victoires et des défaites, hein. Bon, est-ce que t'avais une méthode aussi pour tricher sur les potes ou pas quand tu, quand ouais. Mais après, ils allaient plus qu'à vos profs. Ah merde. Moi, j'aime pas les balances, moi. Donc, tu fileras pas ta méthode? Non. Pas de méthode particulière d'Ice MC. Non, il y avait les anti-sèches, tout ça, mais vas-y, quand tu te faisais rodaf, c'était. Et ben, on en profite pour souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Dites-nous un petit peu, envoyez des messages un petit peu à quoi ressemblent vos profs, parce que c'est aussi parfois, t'as des bonnes surprises ou mauvaises. T'avais un petit peu de tout, quoi. Moi, j'avais un prof de sport. Bah, j'étais au collège Honoré de Balzac. Voilà, grosse dédicace à tous ceux qui sont à Balzac. C'est un gros collège lycée en plus, c'est à Porte-Clichy. Et j'avais un prof de sport qui était super grand de taille et qui s'appelait Monsieur Nain. Donc dédicace à lui. Oh le pauvre, il a dû morfler. Ouais. Oh le mec, il a dû morfler. Prof de sport super grand qui s'appelle Monsieur Nain. Ça a dû être dur. Dis-nous, envoyez des. Tiens, balancez aussi quelques noms de vos profs. Si vous avez 2-3 spécimens aussi, allez-y. Avec le hashtag IceLMC sur Skyrock. On revient dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra Ice comme morceau? On écoute au cœur de vitesse. Je pense que le prochain, on va se mettre. Lors des rois, on avait aussi passé. Non. Là. Bon, réfléchis tranquille. Attends, tu me fais hésiter là. Réfléchis tranquille, on revient juste après ça, bougez pas. C'est parti. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap. Ice LMC et son album Lord des Rois. Je rigole parce qu'il y a des noms de profs qui arrivent depuis que t'as balancé Madame. Ils ont parlé de Madame Kalinowska. Oui, il y a quelqu'un qui avait. C'est Nanane qui avait en commun ta prof de musique après. Voilà, je l'aimais bien. Elle était gentille. C'était la prof de musique. Elle avait des lunettes. Et vas-y, elle jouait au piano. Elle était excitée de ouf au piano. Est-ce qu'elle t'a donné envie de faire la musique? Un jour, elle a distribué une copie à toute la classe. Et en fait, il y avait un très long texte. Et elle a dit, je veux voir qui est capable de le lire très très rapidement, sans se tromper une seule fois. C'était quoi un texte de quoi? C'était un texte musical. Un musical, ouais. Mais c'était de la capella. Enfin, en gros, fallait réciter le texte, la copie, en une fois, sans se tromper, et très très vite. Et je l'avais fait, elle était choquée. Et tu l'as kické? Ah ouais, voilà, j'ai choqué toute la classe. Je me rappelle, c'était à l'ancienne. Eh bah écoute, il y a quelqu'un qui était avec toi en cours de musique. Si, big up à Kalinowska, Madame Lipson aussi. Et qu'est-ce qu'on disait? Ah, Madame Catin, il y en a une qui s'appelle Madame Catin. Ah, j'étais plus là. Oh, pour elle aussi, ça doit être dur. Elle aurait triché. Arrête, Fred, c'est pas écrit. Fred, arrête, c'est pas écrit. Bah regarde, attends, si, alors je te jure, descends, regarde. Et non, j'en ai vu une autre, et là, je crois que ça, c'est la palme d'or. Je te blague. Regarde, attends. Voilà, regarde, tout Samy. Ma prof s'appelle Madame Catin, en plus, on est une. Bon. Ça va pour le petit commentaire. Non, il y en a une, c'est quand même médaille d'or. Je vais pas remonter, mais je te jure que c'est arrivé. Il y en a un ou une, je sais pas qui m'a envoyé ce message en disant ma prof s'appelle Madame Tate Gleret. Mais non. Ça aussi, une fois par mois, ça doit être dur. Ah, c'est chaud. Bon, continue à nous balancer des messages. Non, c'est pas possible. Prof principal, Monsieur Lanus. Waouh. Eh, Balzac, c'est parti en couille, là. Ça a changé, là. Non, mais c'est pas chez toi. C'est d'autres profs. Oui, c'est d'autres profs. Non, je crois pas. Alors, tiens, si vous nous écoutez, Honoré de Balzac, c'est le 17, hein, pour toi aussi. Ouais. C'est le 17e. C'est le 17e, ouais. N'hésitez pas à balancer quelques profs aussi. Quelques noms de profs que vous avez, puisque c'était la rentrée aujourd'hui pour pas mal d'entre vous. Et courage à ceux qui vont rentrer demain, après-demain, jusqu'à la semaine prochaine. Ice LMC, on avait promis un morceau. C'est le morceau important, puisque c'est aussi le nom de l'album. Oh, dernier, Madame Rizek. Oh là là là là. Elle m'a saoulé, frère. Je suis une prof d'histoire, je crois. Ah oui, mais c'est voilà. Quelqu'un qui était vraiment cool. Elle était relou, gros. Il y avait Madame Belin aussi. C'était une prof de maths, ma gueule. Un jour, on lui a ramené des Belins à la fin de l'année. Elle avait grave le seum. Elle rentrait dans la classe, elle commençait à parler doucement comme ça. Et après, elle parlait fort. Genre, elle disait bonjour, sortez. Vos cahiers de mathématiques, elle criait comme ça. Elle nous agressait. Eh ben, tu vois, tu t'es pas emmerdé en cours. C'est chaud. T'as eu quelques spécimens. Non, ouais, il y avait des spécimens à Balzac. Hein. Ah, trop fort. Bon, balancer à Madame Schneck, une prof de maths. Bah, écoute. Wow. Sympa. Hein. Des trucs gore. Là. Prof de physique, c'est Monsieur Labitte. Et bah. Wow. Ouais, c'est vrai, je le vois. Et je vous jure que si vous avez des noms comme ça, en prof, ça doit être comme compliqué. Bonjour, Monsieur Labitte. Sortez les cahiers. On en était sur l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Ah, il y a une prof qui s'appelait Lemsi. T'es au courant, ah, ça? Ah, Madame Lemsi? Madame Est-ce Lemsi. Qu'elle est mignonne? Non, elle était pas mignonne. Ah, bah non, bah. Bon, allez, on va écouter maintenant un morceau peut-être de Lord des Rois. Et je disais, c'est un morceau important puisque c'est aussi le nom de l'album. Il s'appelle Lord des Rois, ce morceau. Exactement. C'est le morceau qui ouvre l'album, le projet. Ouais, c'est un morceau que j'ai écrit tout seul, comme ça, dans la street, que j'ai crié comme ça. C'est un morceau de ouf. C'est mes tripes ce morceau. Tu il vois. Est sorti à quel moment celui-ci il faisait partie des premiers morceaux enregistrés. Il faisait partie, non, il faisait pas partie des premiers, on va dire, c'était vers le milieu des enregistrements. Vas-y, j'étais. Je sais pas, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Je me suis dit, je vais écrire un son là. Vas-y, tu as repensé à ta prof de musique, tu t'es dit, c'est bon, putain. Mes boyaux. Ah ouais. Je vais re-kicker comme à l'époque. Ah ouais. Allez, on l'écoute maintenant, vous réagissez avec le hashtag IceLMC sur Skyrock. Lord des Rois. Et le clip est dispo aussi, hein. Le clip est dispo depuis hier à 18h sur YouTube. Allez voir le clip Lord des Rois, c'est du lourd. Le carrefour des drogues dures du monde entier. Chapitre 1. Tout commence dans le XV barbare avec 10 et Inno, jeunes et fous, nous étions sous une pluie des plus battantes au cœur du boulevard sans vergogne, des coups de crosse et de coups de loup mettions. Mon métier c'est la rue, salarié depuis bambin, envie de porter du zili, du lanvin, carpe diem, on veut des lovés sans lendemain. Demain c'est loin, gars, ours polaire de la banque qui se viscère les pingouins, elle sait que je fais du blégué, elle veut mon pingouin. Regarde-moi bien, gars, mande au frère, allume, je t'allume, tu t'éteins. Bitch pour toi, l'amour n'est qu'un chiffre, snitch pour toi, l'honneur n'est qu'un mot. Avec ou sans shit, les mots fusent dans ma tête au rythme du piano. J'suis mineur, j'fais des liasses avec Niax, MB, Papa, Da, Kamel et Nas. Y'a pas d'heure pour brasser, y'a pas d'âge pour les bracelets rusés, mais hélas, pris dans la mélasse, la juge nous menace. Y'a pas d'heure pour brasser, y'a pas d'âge pour les bracelets rusés, mais hélas, oui des cocaïnes, j'voulais des filles coquettes. Insolent, j'fais trembler les murs de ta ville en compète. Loin des cocktails, j'voulais brûler le top 10. J'dérangeais les rageux, j'n'avais peur de son père. J'parlais du game comme si j'étais son père. J'ai pas attendu le rap pour sabrer le dumper. Soulever des bastos, piétiner hardcore, titoler des gamos, poser sur le corner. Dans la rue j'ai vécu, j'ai dû apprendre et rendre des coups. La Batmobile au cul, j'ai failli, j'ai échoué, pas toujours pris des sous. Esclave du capitalisme à l'affût de Tom Ford, de toute forme de confort. La fauche star sur sa liste et ton cercueil est trop petit pour ton coffre-fort. Polyglotte armé d'un P4, de C4 pour mes frères au D4. Va s'y tire si t'es cap, n'oublie pas que mes erreurs sont le reflet de mes armes. Je suis filoche par les RG, mon oseille je suis allé chercher. Tu voulais produire qui t'es bargeant, je suis pas ta poule aux œufs à berger. Bienvenue dans ma dynastie, m'en voulez pas si j'ai trop d'inspi. De lusty, trop de spi, les has-been se racir. Moi, dans des pichons m'appelle racir. Toi, tu m'observes d'un air oisif. D'un air oisif. Dire qu'avant c'était qu'un loisir, maintenant elles me veulent toutes. Hashtag rock voisine. Je suis de retour dans le game, bitch. Bitch. L'oiseau de nuit vole de ses propres ailes. Je suis de retour dans le game, bitch. L'oiseau de nuit vole de ses propres ailes. Je vous baisse. Pyramide. X de barbarie, X de Bagdad enfoiré. Alors les rappeurs, on a fait un peu de buzz, on croyait que je dormais ou quoi? Hein? Vous me croyez mort? Bande de petits cons, va. Je reviens, vous allez voir. Remettez-vous à vos stylos. Au lieu d'acheter des chaînes en or, bande de trous de balles. En direct de Skyrock, on va vous faire du mal. On est passé des choses, vu qu'on m'appelle Ice, enfoiré. Bah, il dormait, bande de petits cons. Ah, faut gratter le papier, les gars, cette année, je vais vous faire du mal. Pour mes locaux, je suis un putain de maître de cérémonie. Frère, j'en ai vu, certes, la Mali. 60 chargé contre les obliques, j'fume la verte avec parcimonie. Par ici, la monnaie magnum pour mes homies. Ignorance pour les médisants, j'me dois d'être le rappeur le plus puissant. Sache qu'à mes 10 ans, j'me le suis promis. Elle me tire dans la chambre par le chibre. Si j'vends plus, ces salopes me chipent. Mais j'tiens mieux que la muraille de Chine. Ils ont du pétrole, j'ai du gaz de schiste. Des récits hyperactifs, ils disent que j'love la coco, que j'ai des faces d'autistes. Les rappeurs me demandent encore en freestyle. Sadomasochiste. On tire sur Poucave, mauvais payeur, rappeur, usurpateur et flûtiste. Le procureur nous prive des meilleurs. Pense à Ulysse, des sacs, c'est l'ultime. On regrette jadis, le monde part en couille. Les hommes veulent une chatte, les femmes un pénis. La prochaine étape, ils emmènent nos gosses en vacances scolaires sur des plages nudistes. C'est toujours la barre à l'enterrement d'un flic. Ils ont mis deux piges à Sango pour une 10. Voilà mon 17, j'encule la jet 7. Reste ghetto, même quand je pèse une actrice. Rentre dans la matrice, naissance en Afrique. J'ai vu toute ma population stagner. J'ai toujours le seum, Marianne sur notre sol. 133 putain de longues années. Je veux plus voir la speed, partir au casse-pipe. Je vais vous faire la guerre comme le fils de Bush. Le rap, c'est la street. Pose le micro tout de suite. On va te baiser ta mère, enculé de fils de bourre. Lâche le mic, bouffon. Nous c'est XV Bagdad, c'est 7-5. La hesse, la haine, amertume de bonheur, ivresse de souffrance. Lord des Rois, gros morceau aussi celui-ci qui ouvre l'album qui te fait rentrer directement dedans. Ouais, exactement, voilà, pour que même t'es dans ta voiture, dans ta tchop tranquille ou même dans ta chambre, tu vas écouter l'album. Vas-y, la première chanson, elle va te donner un avant-goût un peu de... tu vois. Un album qui sort vendredi, l'album L'Or des Rois. On découvrira aussi encore un autre morceau qu'on a passé hier qui s'appelle Les Mauvais Garçons Dansent. On vous le repassera d'ici quelques minutes. Et juste avant, il y a Yanis de Sartrouville. Salut Yanis. Fred. Ça va et toi? Ouais, ça va. La calache humaine, comment elle va? Yeah, la calache humaine est là, mon gars. On va rafaler tous ces rappeurs. Yanis, il suit bien l'actualité du rap. Il le sait. Toujours. Mais Kalashnikov, mon pote. Je pose des questions, Ice. Excuse-moi, ouais, bien sûr. Comment tu fais? Comment je fais? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai deux propositions. Soit t'as 18 poumons. Ou soit possible. Soit je travaille mon rap 18 heures par jour. C'est plutôt la deuxième, t'as vu. Non, c'est du travail, mon frère. Voilà, y a pas de secret. Bah ouais, c'est ça. Y a que la détermination, le travail. C'est, vas-y, c'est la petite lampe, le stylo et la feuille, frère. T'as vu, y'a pas voilà. Mieux, voilà. Y'a pas et mieux que, ça devrait. Que du travail. Eh bah, Yanis, on va t'écouter maintenant aussi parce que toi aussi tu bosses. Bah ouais, toujours, hein. Eh bah, c'est parti, c'est sur freestyle par téléphone, t'es dans une cabine, Yanis. Eh oui, toujours. Rap de cabine, rap de cabine. Cabine de l'ombre. C'est parti. Ok. Oui, oui. Yanis, chef de zèle, brah. HLMC, l'art des rois, le 4 septembre. Ok, ça fait 1, yeah, 1, 1. On m'a reconnu seulement par mon prénom. Je vois en guinéaire, j'enterre ton corps dans la pénombre. Personne dans le game ne sera taillé à ce qui se prépare. Je roule dans une feuille d'or, un mec, elle s'arrête dans l'ombre. Parler jacté, c'est pas dans mes habitudes. Baiser ta femme, je lui donne la feature. T'as percé au bout d'un an, t'as des choses à apprendre. Bientôt 5 piges que je baise la rap game. Bientôt je serai sur le cul de la fée planchette. Au fait, quand j'étais devant toi, peux-tu me dire en sous-donc passer tes coronettes? Je rappelle ta jugore, elle est bien remplie. Je fais du rap par corps, t'écoutons en prix. Toi, peux tu me rends pas, t'ouvrais beaucoup ta gueule. En plus, t'assumes pas, c'est vraiment que t'as rien compris. Je suis pas dans l'ombre, je répare quand je vais prier. Trop de fils de pute de jaloux que je dois trier. Mais t'as shooté, manger profond, t'as kiffé mon pain. T'as presque tous entendu crier. Fini le fin et le crible de balle. Sac isotherme dans le coffre de la barre. Pété, je ranchais, toi, je trouve ta meuf, je me sers à grailler. Je vous vu deux dans ton propre appart. Biatch. Yeah. Fort, hein. Fort. Lourd, là t'as envoyé ma gueule. Ouais, un petit peu bugué, mais c'est pas peaufiné. Non, mais t'as envoyé là, bien. Là t'as envoyé ma gueule. Merci, bien vu ma gueule. Eh bah merci à toi Yanis, petite dédicace, petit message à passer. On te retrouve sur le net comme d'hab, vas-y balance tout. Yes, alors j'ai commencé la petite promotion. Comme ceux qui me soutiennent ont pu le voir sur Facebook, Twitter, Instagram, Yanis F2L. Snap aussi Yanis F2L. J'ai commencé la promotion de l'album qui va s'intituler Seul. Et qui sera disponible courant 2016. Donc courant 2016. Voilà, si, courant 2016. Eh ben, bon courage. Non, on te souhaite que du bon pour la suite, mon frère. Merci frérot, c'est très gentil. À bientôt Yanis. Vas-y Yanis. Ciao. Vas-y. 41, ça a marqué les 18 poumons, regardez les messages. La calache humaine, elle a 18 poumons. Entre 20h et 21h, le Planète Rap avec Ice MC, L'Or des Rois, qu'on découvre, c'est la sortie vendredi. Vendredi, vendredi dans les c'est packs. Le grand jour. Un grand jour pour moi, un grand jour dans ma vie. L'accomplissement de toute une carrière. Par exemple, l'inso, tu seras où vendredi? Ah, je serai là, hein. je vais pêcher au CDT. Ah, voilà. On va se capter. Ça va se capter direct. On va s'attraper, de toute façon, il a mon numéro, son numéro, on est là dans l'ombre. Ouais, on est là, on est sur Paname, on n'est pas loin. Ce qui sépare le 9e du 17e, c'est juste Place Clichy. Ouais, c'est ça en fait. C'est vrai que depuis toujours on se connaît. Un tu vois. Boulevard bizarre, donc. Ouais. C'est des chelous. Tu peux rencontrer certaines personnes, ouais, des trucs particuliers. Voilà. Et tu peux trouver des artistes talentueux comme Ice, tu vois. Voilà, pour nos amis qui viennent d'un peu d'autres régions. D'ailleurs, je crois que samedi, tu seras aussi en dédicace. Pas très loin de la place de Clichy, pas très loin de. Tu fais bien de me le rappeler. Du triangle d'or, d'ailleurs, en plein cœur même du triangle. Ouais, d'ailleurs, je vais passer, tiens, même. Ah, avec plaisir, frère. Passer sec. Samedi. Voilà, samedi 5 septembre, donc le lendemain de la sortie de L'Or des Rois et le lendemain du Red Room à Lyon aussi. Ah oui, parce que vendredi, t'es à Lyon. Vendredi après soir, l'émission, je suis à Lyon. Après l'émission. Après l'émission, je fonce direct à Lyon. Comme ça, je suis là-bas avant 2h du match, je peux chanter direct dans la teboie. Direct. Tranquille. Lourd, mes Lyonnais, ils vont m'attendre, mes Lyonnaises aussi. Lourd, on va foutre le feu, ils savent. Et dédicace à Nassim de Lyon et à toute son équipe. Donc ça, c'est vendredi. Et samedi, qu'est-ce qui se passe le 5? Et samedi, je reviens. Donc je reviens dans la nuit. Et à Paris, à partir de 14h, 15h, je serai à Sniper Shop. Voilà, au 27 avenue de Clichy. Qui est la boutique en plein cœur de Triangle d'Or. Pour ceux qui d'ailleurs viennent de différentes régions et qui seront peut-être à Paris ce week-end, allez faire un tour là-bas, vous serez bien sûr. Vous passez soit par Place Clichy, soit par La Fourche. Voilà, c'est au 27 avenue de Clichy. Vous verrez à l'intérieur, il y aura déjà des locaux, des locaux, des gens du quartier qui seront en train d'organiser la séance dédicace. Voilà, il y a pas longtemps, il y a XV Barbare aussi qui a fait une séance dédicace là-bas. Il y a eu énormément de monde, ça a fait vraiment plaisir, le soutien. Et donc voilà, on sera là samedi, donc, à partir de 14h. À partir de 14h, la boutique Sniper. Ouais, ça, on se dédicace. Ramenez vos CD. Je vais tous vous les dédicacer. On va faire des photos avec. On va tout faire. Donc ramenez vos CD, ramenez vos t-shirts, ramenez tout, ramenez vos petits frères, tout. Ramenez tout le monde. C'est samedi et vendredi samedi, du côté Lyon. Ça va être le feu. On va même essayer de faire un freestyle tous ensemble. Eh bah très bien. Tu vois. Mais ça, c'est à quelle heure? On va bloquer l'avenue. C'est à partir de 14h. 14h. Ouais. À partir de 14h. Il y a un saut qui sera là. On va passer, Inch'Allah. Voilà, on va passer, Inch'Allah. Allez, on va écouter un morceau maintenant. C'est Les Mauvais Garçons Dansent. Yeah, voilà, c'est Les parti. Mauvais Garçons Dansent, c'est parti. Allez, go. Extrait de l'album L'Or des Rois. Ça sort vendredi, l'album. Je n'ai jamais crié des fêtes, je suis pas du genre à gémir. Ils ont tenté de m'enterrer, mais je suis une graine de génie. Je n'ai que ma fierté, mon savoir et mon drapeau d'Algérie. Jamais je n'ai nié mon appartenance. Jamais je n'ai cessé de m'oxygéner d'insonance. Quitte à courir à ma perte avec pertinence. On est dans la partie même, les mauvais garçons dansent. Calibre à l'abdomen, serre de la glace au boss. Les mauvais garçons dansent. On se fiche d'être beau gosse. Les mauvais garçons dansent. Venus de loin, le ghetto nous éduque à toutes de la même façon malgré nos différences. Les mauvais garçons dansent. Je vais danser jusqu'à demain. Mes pics au black, au blanc, au loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main. Tu sais déjà que nous partirons ensemble au petit matin. Je vais danser jusqu'à demain. Mes bico blanco blanco loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main. Tu sais que nous partirons ensemble au petit matin. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Valentine, elle nous coûte un champagne et joint de bœuf. Ce soir, on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Suite aux Four Seasons, ma bitch est fraîche. Cette nuit je m'appelle Stevens à cause d'une fiche de recherche. Mauvais garçon sur la piste avec un whisky sec. Laisse-moi kiffer la musique, représenter le 17. Détendez-vous, je viens m'éclater, pas montrer le biceps. A chaque fois qu'elles atteignent mon blaze, elles demandent du sexe. Je tiens les murs depuis des années, je veux plus voir misère. Je veux visiter la planète et changer d'hémisphère. Génération d'hommes élevés par des femmes. Génération de femmes qui s'assument comme des hommes. Ayant du mal à distinguer la lumière des flammes. Génération qui refuse de recevoir des ordres. Génération freelance de province ou de Paname. Cette semaine je fais des dollars, samedi soir je danse. C'est moi, je finance, range ton oseille. Caraï, on n'est pas bon qu'à racagner, les mauvais garçons dansent. Je vais danser jusqu'à demain, mes pics au black, au blanc, au loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main, tu sais déjà que nous partirons ensemble au petit matin. Je vais danser jusqu'à demain, mes pics au black, au blanc, au loco vont danser jusqu'à demain. Loca, je te prends par la main, tu sais que nous partirons ensemble au petit matin. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Valentine, elle nous coûte un champagne et joint de bœuf. Ce soir, on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Les mauvais garçons dansent. Ce soir on oublie la street, on s'amuse un peu. On oublie la street, on s'amuse un peu. Valentine, elle nous coûte un champagne et joint de bœuf. Ce soir on oublie la street, on s'amuse un peu. C'est le Planète Rap avec Ice Lemsi. L'album sort vendredi, L'Or des Rois. Vous retrouverez ce morceau et plein d'autres. Les Mauvais Garçons Dansent. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Les Mauvais Garçons Dansent, comme je disais hier, un morceau que j'ai... qui m'a inspiré en boîte. En boîte, en fait, toi t'es inspiré en boîte. C'est-à-dire parce que tu vois, les mauvais garçons, quand on est en boîte, on envoie. Tu vois ce que je veux dire? On envoie grave, les bras écartés, grave détail bout sur la table. Toujours des chorégraphies à part. Loca, tu vois ce que je veux dire? On envoie, on envoie. Dernière sortie en boîte, c'était quand pour toi, Ice? C'était là en Algérie. Ah bah en Algérie, au la Sheraton. Prochaine, ce sera à Lyon. Au Sheraton avec Hek et toute l'équipe. La prochaine à Lyon, ça approche vendredi pour retrouver Ice MC près de chez vous. Ouais. En showcase, prêt pour le live, les 18 poumons sont parés. Yeah, on est prêt. On peut y aller, c'est l'heure du freestyle maintenant. Voilà. Ice, deuxième partie de l'échauffement. Deuxième partie, hier c'était déjà très fort, très lourd. Et demain, on commence à s'énerver là. Et jeudi, à XV Barbare, PSO Thug, à Grimbass. Il y a du monde, donc, jeudi. Ça va être le feu là. Tous ceux qui suivent le vrai triangle et tout, soyez là parce que ça va envoyer. Et bah là, ça envoie déjà pas mal depuis hier. On y va maintenant en live. Ice, c'est quand tu veux. Yeah. Dédicace à toute la High Slam Team. L'MC Family en foyer. Le 4 septembre dans les bacs. Allez le chercher. Dédicace Muggy, Vegic. Yeah. Yeah. Je vais t'expliquer, Nico. J'ai 45 nouveaux cousins qui attendent que je leur paye une Modena. Ils m'enverraient pas de mandat même si je prenais la paye à Mandela. J'sais pas rouler soi-disant rache. Indicateur en garde, tellement t'es lâche. Tu viderais ton chargeur sur un cadavre. Je n'ai que de l'ignorance pour les détracteurs. Je demande juste qu'on ait sonné mon heure. Une villa près de l'équateur et la castration chimique pour les pointeurs. L'avocat devient violoniste. Il s'agit de faire chialer la proc. L'inspecteur devient biologiste. Il s'agit de faire examiner les microbes. Hier on te jetait des fleurs, soir on t'arrose. Sur la scène du crime, je ne laisse qu'un ice de caro, bico, bico. Sur la scène du crime, je ne laisse qu'un ice de caro, bico, bico. Je monte sur le ring, je remporte la victoire par KO. Hier, yeah, ils se prennent pour Capone. Moi je compte sur ma poire, je porte le gilet pare-balles et la capote. Je suis le verbe être et avoir. Tu croyais que je dormais, sale pute, tu vas avoir l'argent, le pouvoir. Omerta des langues, tu portes le bavoir. J'ai grandi qu'avec des half-lits, je mets jamais de vaseline. Quand je pèse une femme flic algérien nerveux. Si je gagne pas dans le jeu, je veux le gifler, l'arbitre amène donc à boire. L'arbin, je suis dans le business et la zic autour de moi ça gravite. Pétasse, ça met du rosé sur mon peignoir en satin. Je veux pas ton pardon, je veux que tu me suces la bite. Tu chiales sur ton sort quand t'as plus d'essence. Ou quand t'as plus de cons, un minimum de décence. On compte pas les litres de sang versé dans la rue, plus la connaissance. J'ai des couteaux dans le dos. Acupuncture, tu retrouveras nos tocas rêves dans ton vide ordure, espèce de poudreau. On n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes ambitions, les mêmes négociateurs. Vaut mieux pas qu'on se parle, moi j'éclate ta boule de cristal, enculé d'associateur. Hein? Enculé d'associateur, en direct de Skyrock, moi j'éclate ta boule de cristal. Dans le Tokyo Walk, ils ont bita walking, dead au sofita dans walking, donc à la Tina couleur, mon attend au pis, c'est moi qui pilote la navette, pense pas ton cul dans le coq, pas d'autographe ou greffier, la loi n'aime pas les pommades. Le cristal va arrive sur les lieux comme une tornade, arrête un peu ta pété. La roue peut tourner, tu perds ton raté, tu bétonnes, tu trouves les ongles en promenade, pas que tu parles sur WAP, espèce de grande pute, je m'en mets des vérités, tu donnes des leçons de flûte. Je t'accorde une photo, mais ne crois pas que ça sent le fit, on se ressemble pas, t'as fait le même parcours que moi, mais sans le fut. Yeah, yeah, yeah, c'est pas merde. Fini, on reprend. Pull up l'instru, Wissem. Ça joue pas, on vous a dit. Paname. Yeah, mon gars, un saut. Triangle d'or. Dédicace tout le roi, toute la section. Aïe. Aïe, aïe, aïe. 7-5, ma gueule. On est ensemble. Dur. Yeah. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Ok. T'as peut-être déjà vu ma gueule sur un poster. Pose pas de questions, mets ton cavi sur la canne des. J'bosse comme un Philippe en train de vie de boss. Laisse pas d'espacer de temps malgré les équations d'Albert. Hausse, misez le ton fait tomber de masse S. Ma volubilité qu'est né leur foutu bassesse. Ice, interpellé pour un délit de faciès. Barba Napoli dans la pyramide ou l'iceberg. Un policier de midi dans le holster. Drive by en bolide, c'est lui qu'on nous paye au lance-pierre. Ice, algérienne gangster. Cristiano durable, 2 millions d'euros le transfert. Snitch, t'as rien à faire dans le four. Tu deviens trop lourd, j'te jette de la montgolfière. American Express dans le larfeuille. Si tu se barres pour aller braquer leur fève. J'ai la folie des grands verres et mon arsenal dans le coffre. T'as vu ton équipe, t'as vécu ta mif. J'ai grandi, on vieillit avec des balles dans le corps. Église d'Amalie dans son McDonald's de Dampère. 230 d'Amsterdam à Berlin. Massage taillé match du Paris Saint-Germain. Stranguler les hatailles au drapeau algérien. Ils ont entendu Pyramide, ils m'ont pris pour Merlin. Moi c'est Ice MC, toi t'es je sais pas qui a. Pas le caucus, je sais qu'il y a 2-3 litres dans le cus. Je suis des retards dans la course, tu sais où je t'emmène après le showcase. Bierce, bierce, bierce. Je fais des travaux sur la corniche. Porte le bandana comme la MS de Californie. T'as pris ta vie pour un rêve, il fallait pas t'endormir. Ta femme est ce que t'appelles ton meilleur ami. Fort nick, nick, nick, nick, nick, la police. Cannabinoïque dans mon métabolisme. Les petits décharges tous les camtas. Oh oui, c'est je glisse en billet violet dans le tablier de la boniche. Generis, bitch, ish, les bédis, bitch. Bouge la tête dans tous les sens, slim biscuit. Fais gaffe à ton petit cul quand tu m'aguiches, bitch. J'sors pas mille feuilles pour frapper le biscuit. Mais voit de l'amour pour soi. Façon pour ça, l'amour, elle nous racole encore à quoi l'emmouler dans le taille passe. Chacun pour soi, quand les keufs arrivent dans le four, ces derniers se jettent sur le premier guetteur et le tapas. Un pas d'estras aux antidépresseurs. Rendre un véritable hommage aux prédécesseurs. Dans ce monde de teutres, je veux supprimer l'oppresseur. Dis pas que t'es son frère, tu veux baiser sa sœur. J'te laisse mâchouiller ta tétine. En un chouïa, j'te piétine. Vu que c'est clair, j'en fais tourner le monde. C'est les cartons dans ma guerre et à marketing. Ça, en un chouïa, j'te piétine. En un chouïa, j'te piétine. Vu que c'est clair, j'en fais tourner le monde. C'est les cartons dans ma guerre et à marketing. Dédicace à toute ma high slam team. Où seras-tu le vendredi 4 septembre? Nous on sera là, poteau, Lord des Rois. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Très très fort le live à l'instant, Ice LMC. Merci, merci beaucoup. Ça monte, ça monte. J'espère ça monte que demain déjà sera encore mieux et qu'au fil de la semaine, on va envoyer ça, envoyer ça bien. Et si vous avez loupé, les images seront dispo là d'ici quelques minutes. Momo remettra le live sur le planète rap. Momo, toujours vif, toujours vif. Le mardi, généralement, ça commence à décliner. Hein. On espère que ce sera mis en tout cas en ligne d'ici allez, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure sur le skyrock.fm. Et, aussi pour retrouver ce live d'Ice LMC avant de se quitter. On mettrait pas un petit coup de millionnaire? Ah, franchement, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. Un petit coup de millionnaire. Un petit coup de millionnaire histoire de reprendre le souffle. Ouais, et avant de se quitter avec Ice MC pour cette deuxième soirée, ce deuxième planète rap. Yeah. Millionnaire, millionnaire, yeah. Pour toutes les michetos de Marseille à Paname. Elle est plutôt mignonnette, mignonnette, ouais, mignonnette. Dans tous les Sofitel, marionnette, marionnette, marionnette. Tous les méridiens, elle les mercures. Visionnaire, visionnaire, visionnaire. Elle recherche un millionnaire. Sheraton, aïe aïe aïe. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. C'est pas la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. C'est pas la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire. Une dot à un millionnette. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bico malhonnêtes, les suppléments mayonnaise, le veuf qui colle la monnaie. Elle fait monter le baromètre, elle est souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille s'arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh, oh là, moi c'est Ice, le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître, mais tu fais semblant. Argent, gloire et beauté, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel Mitter Hugoté. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épopée. Poupée, bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care, sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care, sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Comme un homme, elle fait l'amour comme une femme. Une fois qu'elle a vidé ton magnum, elle prend la vie comme une fable champagne. Dédicace à mon cousin Hichem de Brickwell Street. De Marseille à Paname, London, UK, bro. Ses talents de petite actrice, elle te laisse une cicatrice ou te ramène en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette qu'elle emmène chez Marionneau. Mon gars, Blanca, bloqué derrière les barreaux. T'es devenu son mon frère. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamin. Blanca, l'issue enfoirée, on est ensemble, ma gueule. Je vais te faire un blaze à travers mon épopée. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Ouais, Dino, Johnny, son patch, Picos. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche mon don't care. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Blocadino Sopac Picos. Millionnaire à l'instant. Vegas Papson. Avec un refrain particulier d'ailleurs, c'est marrant, regarde. Aïe, ça veut dire quoi? Lâche mon Dom Père. Donc, alors, Dom Pérignon. C'est évidemment la bouteille de champagne. Voilà, le Dom Pérignon. C'est pas la taille à ton père. Voilà, c'est, voilà, c'est pas la taille à ton père. Voilà. Donc, doucement sur le Dom Père, tu vois. Voilà, c'est pas la taille. Genre, on te laisse boire un peu, un verre, deux, trois. Comment ça, prendre la bouteille, tu l'embarques chez tes amis, je sais pas ce que tu fais. C'est pas la taille à ton père. Pour les bringueurs, dédicace à Champy. Champy Guy, mon gars Champagne. Celui-ci, il est né où, millionnaire pareil, en soirée ou quoi, Ice? Ouais, ouais, il est inspiré né. Inspiré par une. Non, il est pas né en soirée. Non, c'est une meuf, elle m'a donné envie d'écrire ça, je crois. Elle t'a piqué le Dompère. Ouais. Parce qu'elle avait le Dompère. Tu t'es retourné, merde, plus de Dompère. Disparu. Grave. C'est une meuf de Saint-Tropez d'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle écoute. Ice MC à l'instant, entre 20 et 21 dans Planète Rap, Lord des Rois. Merci pour cette nouvelle soirée, Ice. C'est moi qui vous remercie. Avant de se quitter, tu vas emballer aussi, tu vas remballer le téléphone portable, hein, ouais. le téléphone où on peut jouer. À chaque fois, j'essaye de le rodka avant de partir. Vous. Bah, tu vas le garder jusqu'à la fin de semaine, en tout cas. Jusqu'à la fin de semaine, c'est ton numéro pour joindre Ice MC 06 okay. 71 74. Et on prend un dernier appel ou quoi? Ah, tu veux, vas-y. Allô. Allô. T'appuies sur le haut-parleur. Ah, il y est, haut-parleur déjà. Attends. Allô. Ah, on entend très très mal. On entend très mal. Enfin, dommage. Dommage. Un autre. Bon, en tout cas, continue à appeler. Bon, bah voilà, tu vas décrocher voilà. Après. N'oubliez pas le numéro, c'est 06 71 74 84 15. 15. N'oubliez pas que le clip Lord des Rois est déjà disponible sur YouTube depuis hier. Que vendredi, je serai au Red Room. Que c'est la sortie de mon album Lord des Rois, mon premier album. Voilà, qui sera disponible partout. Allez le chercher. Voilà, comme je disais hier, ceux qui n'ont pas les moyens, téléchargez-le, c'est pas grave. Écoutez-le. Et écoutez un peu le travail qu'il y a derrière, le lyrics. Tu vois, on s'est donné, on a travaillé dur. Voilà, moi je rappe pas depuis 6 mois, t'as vu, je rappe depuis 15 ans. Donc c'est un vrai truc de qualité à vous proposer. C'est important de le préciser. Tu vois ou pas, le rap c'est pas juste un loisir, un amusement, je faisais pas autre chose avant, je sais pas quoi. C'est ma vie, tu vois. Donc, c'est ta passion, c'est ma passion, gamin. Et... Voilà, moi je veux être numéro 1, je m'en fous du reste, tu vois. Ice LMC, on précommande dès maintenant, allez-y, aidez-le à être numéro 1. Avec l'album Lord des Rois. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Gagne les premières places de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Et avec Chiara de Saint-Maur, salut Chiara. Bonsoir. Ça va bien, je te présente Ice LMC. Bonsoir, Loka. Et Ice LMC, tu sais qu'il a fait un duo avec Maître Gims sur son album. Ouais. Exactement. Et là, on te propose aussi. Franchement, j'étais en train d'écouter parce que j'étais en attente, j'écoutais tout. Ouais. Et il a du lourd pour son album à fond. Merci. Ah, ça fait plaisir. C'est vendredi la sortie de l'album Cara. Donc vendredi, noté, c'est feu. Bon, elle a noté ça. Ouais, merci Cara. En plus, t'as une belle voix, ouais. Cara. Cara, fais-nous un beau stop avec ta jolie voix. Et je le disais, Maître Gims dans la roulette. Ah, t'as du flow, t'as du flow. Assez poussé. T'habites à la montagne en Kabylie. Saint-Maur. Pas très loin de la Kabylie. Dédicace Bejaïa et Tizi Ouzou. Cara, écoute, Maître Gims en concert, en tournée. Je pense que tu y croiseras aussi l'inso. C'est deux places pour le Bercy 14 décembre. Ouais, je passe bien, merci. Prépare-toi, ça va être énorme. C'est pour toi, 14 décembre, au Palais de Bercy. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je ferai une grosse dédicace à Alexandra, à Palom du Bois Labé 9 Catacone, à Amel, à Angélique et un pote à moi qui s'appelle Lulu Latino. Faut acheter sur FB, c'est un petit beau gosse, tout ça. Voilà. Et à ma pote Amélie qui a emménagé à Montpellier, soutien elle, parce que son mari il est en prison. Donc, voilà. Ah bah, bon courage, et on salue aussi s'il nous écoute aussi. Voilà. À plus, Cara. Merci beaucoup. Il va être content, le mec qui t'a fait une dédicace. Il est refait là. Hein. Aïe. On te fait un bisou, Cara. Merci, Ice. Cette soirée. Merci beaucoup. Et rencard demain un petit peu avant 20h. Merci l'inso d'être passé. Voilà. Merci à toute l'équipe qui était là aussi ce soir. Merci à tout le monde. Qui t'a accompagné ce soir aussi. Si. Entre 20 et 21. Et on va retrouver normalement Difool et toute l'équipe. Eh oui, Fred. Toujours en pleine forme ou quoi? En pleine forme, comment vas-tu toi? Hein? C'est ton téléphone, j'entends un son. Non, c'était la télé de chez nous. Ah, c'est ça, je me disais merde. Ah, voilà, bah oui, normal. Ah, c'était la télé de chez nous. Et pourtant, on écoutait Planète Rap. Ouais, oui. D'accord, je me disais merde, j'entends un truc bizarre. Bon, tout va bien, Ice? Tout va bien, ça se passe super bien. Je suis pressé là, je suis comme un ouf là jusqu'à vendredi. C'est vendredi, hein. Et jusqu'à vendredi, t'es dans Planète Rap et on te retrouvera demain soir à 20h. Il faudra que tu passes nous faire un petit coucou. Mais bien sûr, je passerai vous voir avec plaisir. D'ici la fin de la semaine. Demain ou jeudi soir? Si tu veux. De toute façon, on est là tous les soirs. Hein, vous allez encore me faire faire le problème du mois? Alors, si tu viens jeudi, c'est possible. Sinon, on a plein d'autres choses à faire, hein, t'inquiète. Vas-y, on est chaud. Parce qu'on a même des surprises. Romano, c'est quand qu'il remixe ma musique? On demande un remixeur officiel du rap français. C'est dingue. Ah oui, attends, c'est... Ouais, non, mais en plus, ça m'inspire. C'est marrant, c'est peut-être les paroles, Romano. Inspiré, ouais. Ouais, ça t'inspire. Millionnaire, hein, c'est le morceau qu'on vient d'écouter et tu viens de nous faire là sur Sky. Et la Marie, elle va jeter des billets et tout. Donneras avant. On va faire un remix de clip. On n'a jamais fait de remix de clip. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. Avec des billets de 5 euros. Cédric, t'as l'air en forme. Toujours. Ice, on se retrouve demain dans Planète Rap, ça c'est sûr. Et puis dans la radio libre, d'ici la fin de la semaine. Si vous avez des trucs à demander à Ice, si vous voulez faire les cons avec lui et avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, nous laisser des messages, on est déjà là. Hein. Ouais. Voilà, vivement vendredi, il y en a qui attendent ton album, regarde les messages qui arrivent. Merci à tout le monde, merci. Voilà, ça me fait chaud au cœur tout ce soutien là. C'est Zlatais qui laisse le message. Aïe, Zlatais Panamovic. La calache humaine. Ah ouais, dédicace à Vanderville. Salut à Vanderville s'il nous écoute alors. Aïe. Big up Vanderville. Merci Ice en tout cas. Et à demain, 20h-21h, Planète Rap. Là, c'est parti, Radio Libre. Du lourd encore ce soir. 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. Vous profitez de la soirée si vous avez un truc à nous dire. S'il y a quelque chose qui vous tracasse un peu, si vous voulez faire les cons avec nous, tout est possible. Allez-y. On se retrouve en direct avec Nekfeu aussi. Nekfeu, c'est le premier son de la soirée. Petit son de Nekfeu là pour démarrer la soirée. Enfin, gros son de Nekfeu même pour démarrer la soirée. Et puis, vous tous en direct juste après. Merci Ice, merci Fredo. Merci. De rien. Salut. Radio Libre, c'est parti. Ciao. Ils les appellent dans tout.